la possibilité de voir au-delà de la lettre et de percevoir toute la portée du message. Certainement, la faim, la soif et le manque de toi ne sont pas qu'une affaire matérielle, mais embrassent les besoins affectifs et les anxiétés de progrès de l'esprit dans le besoin. De même, la nudité, la maladie et la prison expriment les états de carence morale où l'âme est encore ignorante, aveuglée par ses propres imperfections et prisonnière des sentiments inférieurs qu'elle traîne avec elle. Toutes ces situations sont des appels du cœur, encourageant le travail d'assistance. Ceux qui étaient à droite du roi ont été touchés intérieurement et ont compris l'appel qui leur a été adressé. De là la récompense méritée. Ceux qui étaient à sa gauche n'ont pas ressenti de compassion pour les nécessiteux, ne les ont pas aidés dans leurs besoins et souffrent les conséquences de leurs actes. Ainsi, la charité, selon Jésus, n'est pas restreinte à l'aumône. Elle embrasse tous les rapports que nous avons avec nos semblables, qu'ils soient nos inférieurs, nos égaux ou nos supérieurs. Son essence inclut les sentiments de bienveillance, d'indulgence et de pardon, sentiments qui constituent la base de l'harmonie entre les hommes. L'exhortation à la charité figure dans la leçon citée, car l'assistance aux nécessités humaines, matérielles, morales ou spirituelles, réclame un engagement affectif entre celui qui aide et celui qui est aidé, et cet engagement ne se concrétise qu'avec des sentiments de bienveillance, d'indulgence et de pardon. On peut donc constater que la vision de la charité contenue dans l'Évangile a été transposée par les esprits supérieurs vers le spiritisme. Il n'existe pas de différence entre la définition de charité selon le point de vue spirit et celle du Christ qui est le modèle et guide pour l'humanité. Ainsi, tout comme le jugement du récit évangélique que vous venez d'entendre s'est basé sur la pratique ou non de la charité, le spiritisme affirme « hors la charité, point de salut », car seule la pratique de la charité peut nous sauver de nos propres imperfections, en nous libérant de l'égoïsme, sentiment incompatible avec la justice, l'amour et la charité. Le message de l'esprit Paul, l'apôtre, contenu dans l'évangile selon le spiritisme, va dans le même sens. Mes enfants, dans la maxime « hors la charité, point de salut », sont contenues les destinées des hommes sur la terre et dans le ciel. Sur la terre, parce qu'à l'ombre de cet étendard, ils vivront en paix. Dans le ciel, parce que ceux qui l'auront pratiqué trouveront grâce devant le Seigneur. Cette devise est le flambeau céleste, la colonne lumineuse qui guide l'homme dans le désert de la vie pour le conduire à la terre promise. Elle brille dans le ciel comme une auréole sainte au front des élus, et sur la terre, elle est gravée dans le cœur de ceux à qui Jésus dira « Allez à droite, vous les bénis de mon Père. » Vous les reconnaissez au parfum de charité qu'ils répandent autour d'eux. Rien n'exprime mieux la pensée de Jésus, rien ne résume mieux les devoirs de l'homme que cette maxime d'ordre divin. Le spiritisme pouvait mieux prouver son origine qu'en la donnant pour règle, car elle est le reflet du plus pur christianisme. Avec un tel guide, l'homme ne s'égarera jamais. Appliquez-vous donc, mes amis, à en comprendre le sens profond de ses conséquences et en chercher pour vous-même toutes les applications. Soumettez toutes vos actions au contrôle de la charité et votre conscience vous répondra. Non seulement elle vous évitera de faire du mal, mais elle vous fera faire le bien, car il ne suffit pas d'une vertu négative, il faut une vertu active. Pour faire le bien, il faut toujours l'action de la volonté. Pour ne pas faire le mal, il suffit souvent de l'inertie et de l'insouciance. Faites donc qu'en vous voyant, on puisse dire que vrais spirites et vrais chrétiens sont une seule et même chose, car tous ceux qui pratiquent la charité sont les disciples de Jésus. Tous ces enseignements nous aident à comprendre que la charité est l'essence même de l'amour du prochain, de l'amour fraternel, car ce sentiment, pour s'exprimer avec tout son éclat, doit contenir les mêmes ingrédients de la charité, c'est-à-dire la bienveillance, l'indulgence et le pardon. Aimer son prochain comme soi-même. Faire pour les autres ce que nous voudrions que les autres fissent pour nous. Ça, ce sont les paroles de Jésus. Est l'expression la plus complète de la charité, car elle résume tous les devoirs envers le prochain. On ne peut avoir de guide plus sûr à cet égard qu'en prenant pour mesure de ce que l'on doit faire aux autres, ce que l'on désire pour soi. De quel roi exigerait-on de ses semblables plus de bons procédés, d'un juge-ange de bienveillance et de dévouement, que l'on en a soi-même pour eux? La pratique de ces maximes tend à la destruction de l'égoïsme. Quand les hommes les prendront pour règle de leur conduite et pour base de leur institution, ils comprendront la véritable fraternité et feront régner entre eux la paix et la justice. En effet, la fraternité pure ou l'amour fraternel est le plus sublime système de relations entre les âmes. La fraternité, dans la rigoureuse acception du mot, résume tous les devoirs des hommes à l'égard les uns des autres. Elle signifie dévouement, abnégation, tolérance, bienveillance, indulgence, c'est la charité évangélique par excellence. Ainsi, l'amour et la charité sont le complément de la loi de justice, car aimer son prochain, c'est lui faire tout le bien qui est en notre pouvoir et que nous voudrions qu'il nous fût fait à nous-mêmes. Tel est le sens des paroles de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme des frères. Soulignons encore que la justice, l'amour et la charité constituent, en toute rigueur, une seule et même loi, la plus importante de toutes les lois naturelles, car c'est pour elle que l'homme peut avancer le plus dans la vie spirituelle, car elle les résume toutes. Toutes ces lois, d'adoration, du travail, de reproduction, de conservation, de destruction, de société, du progrès, d'égalité et de liberté, ont leur fondement dans la loi de justice, d'amour et de charité, et se guident par cette dernière dans toutes leurs manifestations dans l'univers.